alors tant mieux. Il est mort parce qu'il était vieux. Allume un feu géant. Invitons nos amis d'avant. Et puis, quand ce feu s'éteindra, glissons-nous dans les mêmes draps et faisons-nous l'amour pour la dernière fois. Finir comme on a commencé, avec en plus quelques années. Finir comme on a commencé. L'amour est mort, assassiné. Et je connais celui qui l'a tué. Il te guettait depuis longtemps. Il attendait le meilleur moment. Dis-lui de nous laisser encore jusqu'aux lumières de l'aurore. Le temps de faire l'amour pour la dernière fois. L'amour est mort, n'en parlons plus. Il y a longtemps qu'il était foutu. Allume un feu géant. Invitons nos amis d'avant. Et puis, quand ce feu s'éteindra, je veux que toute la ville ait froid quand nous ferons l'amour pour la dernière fois. Finir comme on a commencé, avec en plus quelques années. J'espère que c'est une bonne idée. Oh, finir comme on a commencé.